Chapitre 3e. Le lendemain matin, après avoir pris le thé ensemble, la comtesse et son neveu se dirigèrent vers le jardin tout bruissant d'abeilles. Devant la maison, dans la cour, ils rencontrèrent Mavra pliant sous le poids d'une énorme pile de linge qu'elle rapportait de la blanchisserie. Les draps retenus sur ses mains croisées montaient si haut qu'elle était obligée de relever son menton et se tenir la tête de côté pour y voir devant elle. « Tiens, voilà ta beauté !» dit en français la comtesse qui s'arrêta pour la regarder. « On ne sait pas si c'est un Raphaël ou un Greuze, » fit Xavier. Hier soir, elle avait plutôt l'air d'un Raphaël avec un nez russe. Ce matin, elle ressemble à la cruche cassée. C'est un genre de beauté hybride, mais qui n'est pas sans charme. » Ils continuèrent leur promenade, pendant que Mavra entrait dans l'ouvroir où elle déposa la pile de linge. Quand ses mains furent débarrassées, elle resta toute tremblante, interdite, comme si elle avait commis un crime. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?» dit une des filles de service en la tirant par son tablier. « Je ne sais pas, » répondit Mavra. « Je suis comme si j'avais reçu un coup dans les jambes, et mes mains ne veulent pas s'arrêter de trembler. »« C'est que tu en as porté trop lourd pour tes forces. Assieds-toi, et tu vas voir comme cela va te passer. » En effet, au bout d'un instant, il n'y paraissait plus. Mais à partir de ce moment, Mavra fut hantée par les yeux noirs qui ne s'en doutaient guère. Sa vénération pour la comtesse ne s'en trouva point diminuée. Au contraire, elle l'aima s'il se peut davantage, mais au lieu d'une idole, elle en eut deux. Par des ruses innocentes, dont elle était surprise elle-même, elle obtint de se faire donner le service de la chambre du jeune comte, et dès lors sa félicité fut complète. Le soin des vêtements incombait à un valet, qui se gardait bien de faire quoi que ce soit de plus, et pendant que Xavier galopait sur son beau cheval noir dans la voûte épaisse des bois de sapin, Mavra, pénétrée d'une douce émotion, d'une gratitude profonde pour Dieu, qui lui faisait la vie si facile et si douce, lissait de ses mains délicates les draps de toile fine du lit de camp où reposait le cher jeune maître, et passait sur l'oreiller rebondi ses doigts hésitants. Il mettrait là sa tête, le soir venu, et fermerait les yeux pour s'endormir. À cette pensée, la jeune fille retira la main en rougissant, comme si elle avait commis une profanation. Xavier était le plus grand casse-cou du globe, non par bravade, car le plus souvent il accomplissait seul ses exploits absurdes, mais par mépris instinctif du danger. Il n'ouvrait pas les barrières qui clôturent les pâturages, mais franchissait la haie d'un bond de son cheval. Il ne cherchait point le guet quand la fantaisie lui prenait de traverser la rivière, mais lançait tout simplement son cheval à la nage. C'était plus vite fait, et puis on prend peu à peu ses tours d'adresse ou de force, une indifférence stoïque pour la douleur et le péril, et l'on se croirait ridicule si l'on usait de la moindre prudence. Un beau matin, en sautant par-dessus une haie de 6 pieds, il n'en existe pas de moins haute en ce pays, le cheval du jeune comte fit un faux mouvement et tomba sur le flanc. Il fut aussitôt relevé d'un coup d'éperon. Mais lorsque Xavier voulut éperonner l'autre côté de la bête, celui sur lequel elle s'était laissée tomber, il s'aperçut qu'il souffrait d'une douleur atroce. Heureusement, cette haie était la dernière sans quoi il se fût trouvé fort empêché de rentrer au logis. Il pressa néanmoins sa monture et arriva devant le perron, mais quand il voulut s'appuyer sur l'étrier pour descendre, il s'aperçut que c'était impossible, et au milieu des lamentations de la livrée accourue aussitôt, force lui fut de se laisser descendre et traîner comme un paquet, disait-il, jusqu'à son lit. Quand il fut dûment déboté et examiné, la suprême indifférence avec laquelle il se laissait toucher et remuer, malgré la pâleur de son visage, n'empêcha pas qu'il fût bel et bien une fracture très réussie. Le rebouteur fut appelé suivant le précepte de la comtesse, qui aimait mieux un rebouteur sous la main que le premier chirurgien du monde à 100 lieues de là. Un appareil horriblement compliqué, hérissé d'éclisses et de bandages, fut posé sur la jambe avec l'ordre très respectueux mais formel de ne point remuer et de rester couché 1 mois. « 1 mois ? » s'écria Xavier. « Ça va mourra d'ennui de ne pouvoir me gronder. Veux-tu que je l'envoie chercher ?» demanda la bonne comtesse, qui en ce moment-là eut fait quérir une des pyramides d'Égypte pour consoler son cher blessé s'il en avait témoigné l'envie. « Non pas, ma tante. Tous les matins, en m'apportant mon déjeuner, il me reprocherait ma folie. Vous, au moins, vous n'aurez pas cette cruauté, malgré tout l'ennui que je vais vous donner. » La comtesse était bonne lectrice malgré son lorgnon. Elle fit d'intarissables lectures, dont le plus fréquent résultat était d'endormir le patient, résultat infaillible. Ce n'était qu'une affaire de temps, souvent 10 minutes, parfois 1 heure. La respiration de Xavier devenait régulière, la fièvre qui colorait ses pommettes disparaissait peu à peu, et la bonne tante, fermant le livre, s'en allait à ses devoirs de maîtresse de maison, commettant son neveu à la garde de Mavra. Celle-ci ralentissait peu à peu le mouvement de son aiguille dans la batiste du métier et regardait le jeune comte endormi pendant de longues heures. Le jour baissait, on n'apportait point de lumière de peur de troubler un si précieux repos, et dans l'ombre croissante, près de la fenêtre, où sa silhouette se détachait son insu sur le bleu pâle du ciel, où reparaissaient les étoiles, Mavra, perdue dans une extase vague et infinie, regardait dormir le jeune maître qu'elle ne voyait plus qu'avec son cœur. Au premier mouvement du réveil, elle était debout, la main sur la sonnette. La lampe arrivait. Mavra se retirait dans l'ouvroir, et la nuit, en rêve, elle continuait sa contemplation immatérielle, presque mystique, de la belle tête blonde endormie sur l'oreiller. Xavier s'était résigné avec la patience de sa race, et aussi celle des gens qui n'y peuvent rien. Il s'ennuyait bien un peu, souvent, mais ce repos forcé n'était point sans charme. La douleur était peu de chose. Une fois les premiers jours passés et durant ses longues rêveries, le jeune homme s'imaginait être un chevalier des anciens temps, recueilli dans le château d'une fée. La fée portait un lorgnon et, par une charmante coquetterie de vieille femme, poudrait ses cheveux grisonnants. Xavier poussait un soupir et lui baisait la main avec une sorte de désappointement.